Sanglante place de crève, les guillotines servent à tuer, reconduire l'homme perdu dans la gadoue, on s'enfile dépassé, le bourreau meurtrier foutre le feu aux barbares, poussif aussi, l'image garde chasse, brûle la jambe et le pied, rien à redire, pathoge asthmatique, tu vas crever, les contractes constantes à la hache, nous on parle fasciste, c'est pas cher, la salive effective, une escouade et des filles barbelées pour rejoindre à l'armée installée de misogyne dans ma tronche d'abondance en cagnotte d'autorité, autorité publique, héros de torture physique. Systèmes alentours, on consomme les maquis sous vocation de braqueuse adéquate, adéquate, mitraillette, variée, Mastar, modèle 937, alpagué, la braguette, la musette, du bilas, tant curieuse, la bonne paire d'ordre qui travaille à quelconque attentat, généreux général, on sera réduit en concentré, l'esclavage, déserteur, engagé sur la brèche, mutation, guérilla, romantique, historique, à rebours des CA, flac et leggings dorés sucrés, un candy de bar qui doit servir l'armée, l'armée du rage qui doit s'endormir tranquille au miche des colosses, pensionnaires, pensionnats de jeunes filles fâchées, flattées. La palissade à revendre au marché des gamelles, délateurs venimeux maladroits, cinquième plan raté. On s'était pourtant déguisé tout le temps pareil pour être reconnu, sphinx immature, camberge perché, surgir de l'ombre, qu'en bas de la bébête inhibée, t'as la louche de suppositoire, nicotine, impossible de se bourrer la bite. En date de bourgeois, sans remords de prémices, de prépuces déchirés, des culs assez fermes, maratin de plondas, véritable allongé, c'est la merde, dynastie, armistice, angélique, prostatique, qui déguste méchant pour la thune, alios, clanche en or, des bijoux crapuleux, des familles consanguines qui se marrent, prosélyte acharnée, c'est bon signe, mais moi sanglante, une soupe de langue, de tête coupée, mais les gorilles décapitent les morbacs, répressifs, répression, bénévole, prêtés, chiottes en goguette pour la première explosion, mitraillade sur le front pour ce pays, un jeu de massacre, sans signal, quincaillerie suggérée, un pâté de topinambour, véritable infection, c'est la merde, si sec, s'ils sont enlevés, mais des tâches parmi d'autres, dans la fosse à piston, c'est la tôle survoltée, pour revoir extasié, le principe folklorique, l'objectif du tocard, logique, musique rare, plâtre, retard, mais cher le boulot du grouillot, criot, en ruelle héroïque, confection synthétique, briche, tombe, riche, tard, patriote, en classe 16, pense le danger, la paluche de Gloise, mais la l'alerte s'envole, humide, reste ouverte, paille taille terre, courant d'air, asthmatique, vas-y tue-le, des contractes constantes à la hache, nous on parle fasciste, c'est pas cher, la salive effective, une escouade et des filles barbelées pour rejoindre, extasier le principe folklorique, l'objectif du tocard, logique, musique rare, plâtre, retard, mais cher le boulot du crouillot, criot, en ruelle héroïque, confection synthétique, bricheton, brichetard, patriote en classe S, pense le danger, la paluche de Gauloise, mais l'alerte s'envole, humide, reste ouverte, paille taille terre, courant d'air, asthmatique, vas-y tue-le, contracte constante à la hache, nous on parle fasciste, c'est pas cher. La salive effective, une escouade et des filles barbelées pour rejoindre l'armée installée dans ma tête. Sanglante place de crève, les guillotines servent à tuer, reconduire l'homme perdu dans la gadoue, on s'enfile, dépasser le bourreau meurtrier, foutre le feu aux barbares, poussif, roussi, l'image garde chasse, brûle la jambe et le pied, rien à redire, pathoge asthmatique, tu vas crever, des contractes constantes à la hache, nous on parle fasciste, c'est pas cher, la salive effective, une escouade et des filles barbelées, rejoindre l'armée installée de misogyne dans ma tronche d'abondance en cagnotte d'autorité, autorité publique, héros de torture physique, systèmes alentours, on consomme les maquis. Sous vocation de braqueuse, braqueuse adéquate, adéquate, mitraillette, barillée, Mastar, modèle 937, alpagué, la braguette, la musette, du bidas, tant curieuse, la bonne paire d'ordre qui travaille à quelconque attentat, généreux général, on sera réduit en concentré d'esclavage, déserteur, embrigadé sur la brèche, mutation, guérilla, romantique, historique, à rebours, des CA, flac et leggings dorés, sucrés, un candy de bar qui doit servir l'armée du Reich, qui doit s'endormir tranquille au niche des colosses, pensionnaires, pensionnats, de jeunes filles fâchées, flattées, la palissade à vendre au marché des gamelles. Délateur venimeux maladroit, cinquième plan raté, on s'était pourtant déguisé tout le temps pareil pour être reconnu par les sphinx immatures, camberge perché, surgir de l'ombre, qu'en bas de la bébête inhibée, v'là la louche de suppositoire, nicotine, impossible de se la bite, de brandade, de bourgeois, sans remords de prémices, de prépuces déchirés, des culs assez fermes, baratin de blondasse véritable, allongé, gymnastice, armistice, angélique, prostatique, qui déguste méchant pour la thune, alios, cloche en or, des bijoux crapuleux, des familles consanguines, qui se marrent, prosélyte acharnée, c'est bon signe, mais moins sanglant. Qu'une soupe de langue, de tête coupée, mais les gorilles décapitent, les morbacs répressifs, répression, bénévole, près des chiottes en goguette pour la première explosion, mitraillade sur le front pour se payer un jeu de massacre, sans signal, quincaillerie suggérée, un pâté de topinambour, véritable infection, c'est la merde aussi sec, s'y sont enlevés, mais des tâches parmi d'autres, dans la fosse à piston, c'est la tôle survoltée pour revoir extasié, le principe folklorique, l'objectif du tocard, logique, musique rare, plâtre, retard, mais cher le boulot du crouillot, criot, en ruelle héroïque, confection synthétique, Patrick Bricheton, Brichta, patriote en classe S, pense le danger, la paluche de Gaulois, mais l'alerte s'envole, humide, spite à terre, courant d'air, asthmatique, vas-y tue-le, déconcentre, constante, c'est la guerre musculaire. Nous on parle fasciste, c'est pas cher, la salive effective, une escouade et des filles barbelées pour rejoindre l'armée installée de misogyne dans ma tronche d'abondance en cagnotte d'autorité, autorité publique, héros de torture physique, systèmes alentours, on consomme les maquis sous vocation de braqueuse adéquate, adéquate, mitraillette, barillée, ma star, modèle 937, alpagué, la braguette, la moustache du bidas, tant curieuse, la bonne paire d'ordre qui travaille à quelconque attentat, généreux général, on sera réduit en concentré d'esclavage, déserteur embrigadé sur la brèche, mutation, guérilla, romantique, historique, à rebours des CA, flaques et leggings dorés, sucrés, un candy de bar qui doit servir l'armée. L'armée du Reich peut s'endormir tranquille au miche des colosses, pensionnaires, pensionnats de jeunes filles, fâchées, flattées, la palissade à revendre au marché, des gamelles, des lâcheurs venimeux, maladroits, cinquième plan raté. On s'était pourtant déguisé tout le temps pareil, pour être reconnu par les sphinx immatures, gamberges, perchés, surgir de l'ombre, gambade, la bébête inhibée, la lalouche de suppositoire, nicotine, impossible de se bourrer la bite, de prendre date, de bourgeois, sans remords, de prémices, de prémus, déchirés, des culs assez fermes, baratins, de bondasses, véritable allongée, c'est la merde aussi sexe. Sont enlevés et détachent parmi d'autres dans la fosse à piston. C'est la tôle survoltée pour revoir extasié le principe, principe folklorique, objectif du tocard, logique, musique rare, plâtre, retard. When you've waited 15 years to find a man, it's a shame you can only kill him once.